nous sens si seuls, je nous sens si là, je nous sens si loin, à mille galaxies. Je nous sens si sale, je nous sens si pâle. Reste-t-il des stations où c'est le terminus, là où on se dit adieu, on ne se reverra plus. Là où on se dit adieu, excite ces vieilles années. Je nous sens si pauvre, je nous sens si misérable. On s'est planté, qui va le reconnaître? Je nous sens perdu, à mille galaxies. Reste-t-il des stations où c'est le terminus? Là où on s'engueule une dernière fois. Là où je veux ta peau une dernière fois. Qu'est-ce que j'en sais, ce que l'on veut? Moi ce que je veux, c'est un beau terminus. L'amour c'est du toc, l'amour c'est un toc. Nos cœurs qui débloquent, un dieu qui se moque. L'amour est chimère, qu'on nous vend très cher. Il n'y a pas de station, que des terminus. Des adieux sur des quais, des morts qui s'enfuient. Des morts solitaires, éblouis par la nuit. Je me sens si laid, je me sens si laid. L'amour c'est de la haine, du fanatisme. Ton train attend, mon train attend. Il y a des départs, même dans les terminus. Qu'est-ce que j'en sais, ce que l'on veut? Moi ce que je veux, c'est un beau terminus.